les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la suite des carnets mexicains de Roger Pilaudin. Les carnets mexicains, c'est une série de 12 entretiens réalisés au Mexique au tout début des années 1970. Une période très mouvementée politiquement et socialement au Mexique. Écoutons tout de suite l'écrivain Carlos Fuentes nous expliquer les subtilités de la politique locale entre corruption, autoritarisme et influence américaine. Quel doit être et quel peut être le rôle de l'écrivain et de la littérature dans ce contexte ? Troisième entretien avec Carlos Fuentes. Hier, Carlos Fuentes, vous avez commencé de nous parler des institutions mexicaines. Je voudrais que vous nous disiez comment est élu le président de la République. En fait, maintenant, le président mexicain est élu, choisi, par un conclave de forces qui sont fondamentalement les entreprises américaines travaillant au Mexique, les gouvernements américains, les managers, les PDG des industries et des commerces américains au Mexique, qui sont des hommes d'épaille, qui se présentent comme des industriels mexicains, mais qui en fait sont des commis de capitaux américains. Ce sont eux qui déjà ont choisi le président de la République comme un gérant de leurs affaires, non ? Par quel système le choisissent-ils ? Est-ce qu'il est question de suffrage universel ? Est-ce qu'il est question d'élection ? Ou est-ce que les élections sont truquées ? Non, en fait, le choix suprême, c'est du président en fonction qui choisit son successeur. Mais pour arriver à choisir cet successeur, il doit consulter avec toutes ses forces vives. Qui sont les entreprises américaines au Mexique, les banquiers mexicains, les grands commerçants, les chambres d'industrie de transformation, les chambres de commerce, le leader syndical imposé par le gouvernement aux syndicats. Ce sont eux qui sont consultés par le président pour choisir un homme tout à fait domestiqué par le système pour les succéder. Ensuite, on fait la comédie de le postuler par le parti. Il fait une grande campagne contre un adversaire inexistant. Il est élu par les 98% des suffrages. Il s'installe et le système continue. Et le rôle du Parlement ? Le Parlement n'a aucun rôle sauf de dire oui. C'est un conglomérat de brebis. Mais est-ce que vous ne pensez pas, quand vous parlez d'une guerre nationale, est-ce que vous l'entendez au sens traditionnel d'une véritable guerre ou bien d'une guerre nationale qui serait plutôt une guerre civile? Oui, je pense que c'est une guerre civile et une guerre d'opposition aux États-Unis. Ce sera une guerre contre les représentants de l'impérialisme américain au Mexique. Et ce sera une guerre de défense contre les États-Unis. À un moment donné, je ne parle pas du futur immédiat, mais je pense que ça viendra. Surtout après ce qui s'est passé au Pérou, au Chili. Parce que le Mexique qui a fait sa révolution l'année 1910 et qui s'est toujours présenté un peu comme le leader révolutionnaire de l'Amérique latine, bon, ça a déjà été assez ébranlé par les événements de Cuba à partir de 1959. Mais maintenant, ça vient du Sud au même moment que vraiment le système mexicain entre dans une crise de pourrissement et d'inefficacité presque totale. Alors le Mexique trouve une position très arriérée dans le concert latino-américain. Il n'a pas de voix. On ne croit pas au Mexique en Amérique latine. Vous avez vu ça à Cuba sûrement et vous le verrez un peu partout en Amérique latine. On sait très bien ce qui se passe ici. Alors ça a des effets parce que de moins en moins, le gouvernement peut se cacher derrière cette rhétorique de la vieille révolution mexicaine qui a été jusqu'ici un des atouts de son pouvoir, n'est-ce pas ? Je voudrais que vous parliez aussi de la la corruption qui semble relever du système dans le pays, à tous les niveaux. Mmh. On s'en rend compte dès qu'on arrive. Le douanier vous laisse entendre qu'il faudrait lui verser un certain nombre de dollars pour qu'il n'ouvre pas vos valises, par exemple. Oui, on dit que le seul droit démocratique universel conquis par la Révolution mexicaine est le droit général à la corruption. Je pense que c'est un fait. Comme il y a une pyramide politique et une pyramide sociale, il y a une pyramide de la corruption aussi. Parce que la corruption commence avec le président de la République même, qui se sent avec le droit non écrit de profiter de ses 6 ans au pouvoir, de ses 6 ans de pouvoir absolu, parce qu'il est en fait un empereur aztèque, un vice-roi espagnol, mais pendant 6 ans seulement. C'est la limite que la révolution mexicaine a imposée à la succession présidentielle. Le président ne peut rester que 6 ans au pouvoir, il ne peut pas se relire, n'est-ce pas ? Il y a une interdiction totale de réélection. Alors pendant ces 6 ans, le président et sa camarille profitent vraiment pour s'enrichir pour le restant de leur vie, les pauvres, non ? Ils n'ont que 6 ans pour le faire, et ils le font. Alors la corruption commence à ce niveau-là, et ça continue avec les ministres d'État, les sénateurs, les députés, les gouverneurs, les présidents municipaux, jusqu'aux balayeurs de rue, conducteurs, chauffeurs de taxi, policiers, douaniers, et ça va dans les deux directions, n'est-ce pas ? Chacun a le droit à la mordida. Alors vous nous disiez hier qu'il n'y avait pas d'opposition possible ici, vous en disiez les raisons, et cependant vous voilà, vous êtes un écrivain, je crois que vous ne mâchez pas vos mots, et qu'on peut vous situer tout de suite dans l'opposition au régime. Comment se fait-il que vous puissiez vous exprimer quand même, librement ? Ah, il y a des degrés, n'est-ce pas ? Quand je parle qu'il n'y a pas une vraie opposition, je veux dire qu'il n'y a pas de vrai parti, de vrai mouvement d'opposition. Alors il y a des types fous et singuliers, comme moi, et d'autres écrivains, et on nous permet de dire certaines choses parce que ça permet de présenter une certaine façade démocratique au Mexique. Ils ne considèrent pas que ce qu'on dit ou ce qu'on fait est vraiment important, qu'on parle à une audience très large, n'est-ce pas ? Mais en fait, dès que les gens cessent de critiquer au niveau intellectuel ou privé ou individuel, comme je le fais moi, et participent d'un mouvement actif contestataire, et ils finissent en prison. Le fait, c'est qu'il y a au Mexique pas mal de prisonniers politiques, pour comme vous savez. D'opinion. Pour délit d'opinion, pour avoir participé dans des manifestations contre le gouvernement pendant les mouvements étudiants de 1968, ou même avant ça, pendant le mouvement des cheminots de l'année 59, pendant le mouvement des professeurs de colle de l'année 58, etc. Ils sont des gens qui sont en prison et qui subissent de lourdes peines parce que le code pénal vient d'être révisé afin d'augmenter les peines pour le délit politique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que maintenant, il y a de jeunes gens de 23, 24 ans qui viennent d'être condamnés à des peines de 25, 30 ans. Alors vous voyez, ça dépend, n'est-ce pas ? Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Moi, je ne prétends pas être un héros. De principe, je dis ce que je dois dire, mais je sais que je suis quand même un peu intouchable, non ? En dehors de vos livres, est-ce que vous avez d'autres moyens d'expression ? Presque pas. Il y a des petites revues littéraires où on peut s'exprimer. Mais la presse, la Il y a presse. La grande presse, pas du tout. Il y a la presse étrangère, où on peut toujours parler, même si on est accusé de dénigrer la nation. Mais moi, j'aime toujours faire une grande distinction entre Rome et César, n'est-ce pas ? Je pense que critiquer César n'est pas critiquer Rome, et que le gouvernement n'est pas la nation, n'est pas le pays. Je voudrais revenir un peu sur vous-même maintenant et revoir avec vous les étapes, si vous voulez, de votre itinéraire de créateur et de créateur qui s'oppose à une situation historique par ses écrits. Quand avez-vous commencé la lutte ? Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai toujours pensé que ce n'est pas possible de dissocier l'intention sociale et politique de l'intention esthétique ou littéraire dans nos pays. Surtout parce que finalement, les deux se rejoignent dans un phénomène qui est le phénomène du langage. Et ce qu'on essaie de dire et de faire et de renouveler, de transformer un langage pourri, un langage académique, un langage qui a été un des supports de l'ordre établi pendant 5 siècles au Mexique, n'est-ce pas? En privant le pouvoir de son langage, de sa propriété exclusive sur le langage, on mine le pouvoir. On oblige les gens à parler, à penser par eux-mêmes un peu, non? On crée un langage, et à travers ce langage, une vision du monde opposée à celle du pouvoir. Et ça, dans le fait même de l'élaboration d'un langage, que par sa nature de renouvellement, d'imagination, de création, devient par là même, je pense, un langage contestataire, un langage révolutionnaire. C'est pas peut-être tellement évident chez vous, parce que vous avez une pluralité des moyens d'expression. Mais chez nous, où les paroles appartiennent au pouvoir presque exclusivement, le fait d'écrire, et d'écrire avec imagination, avec une volonté esthétique, est, comme je disais, indissociable du fait d'écrire révolutionnairement, de donner une voix aux problèmes, aux personnes, aux choses. Alors vos romans, le premier s'appelait La plus limpide région. Et le dernier? Et le dernier, je suis en train de l'écrire. Je n'ai pas encore publié, mais j'ai un autre qui va être publié en France cette année, 71, qui s'appelle Peau Neuve. Peau Neuve? C'est le dernier roman que je publie en espagnol, oui. Et combien en avez-vous écrit en tout de romans? J'écris quelques demi-douzaines de romans, de livres de nouvelles, de romans brefs, de pièces de théâtre. Et ces romans et ces nouvelles ont été publiés ici sans difficulté? Sans difficulté. Le gouvernement ne craint pas le livre parce que quand même il y a 40% d'illettrés chez nous. Mais ils sont féroces vis-à-vis le cinéma, la télévision, la radio. Non, là, on ne peut pas bouger, on ne peut rien dire. On peut publier, oui. Même si parfois il y a des scandales, des difficultés, comme par exemple quand on a publié le livre de Louis, Les enfants de Sanchez. Immédiatement, le gouvernement a critiqué le livre en disant que c'était un livre anti-mexicain, écrit par un Américain qui n'avait pas le droit de juger les problèmes sociaux du Mexique. Alors, ils ont appelé au chauvinisme ou au nationalisme des écrivains mexicains qui, heureusement, ont refusé cette piège du gouvernement. Ils se sont tous solidarisés avec Louis, avec son droit d'investigateur, d'écrivain, de traiter les problèmes, de les exposer, de les critiquer, n'est-ce pas? Et la diffusion d'un de vos livres représente quoi? Bon, écoute, moi, je suis son impact sur le public. Bon, je suis un best-seller au Mexique. Et je peux atteindre 60 000, 70 000 exemplaires de vente d'un de mes romans. Mm-hmm. Ce qui n'est pas très, très grand-chose dans un pays de 50 millions d'habitants, oui. N'est-ce pas? Mm-hmm. Mais néanmoins, ça suffit pour avoir un impact sur quand même toute une couche de la population. Sur une élite, oui. Il ne faut pas oublier que toute l'Amérique latine, vous verrez ça dans tous les pays de l'Amérique latine, est finalement un pays d'élite intellectuelle. Non, c'est un pays où il y a une grande masse de paysans illettrés et une toute petite couche, une toute petite élite intellectuelle très raffinée. Et dont le problème est qu'elle ne peut pas s'adresser à cette immense majorité de ses concitoyens. Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Il faut une révolution. Il faut changer tout à fait les structures dans des pays où, vous savez, c'est très grave parce qu'il y a les illettrés par fatalité et il y a les illettrés par vocation, qui sont les dirigeants de nos pays, la classe bourgeoise, qui a un esprit d'analphabète, non? Même s'ils savent lire et écrire. Y arriba y arriba. yo quiero pasear de copas con cinto y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba y de yo no soy marinero. Yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ces mots très durs de Carlos Fuentes que vous venez d'entendre contre le système politique du Mexique n'arrivent évidemment pas par hasard. Les intellectuels de ce pays furent des cibles de choix de la censure en ce début des années 1970. Le pouvoir s'est même attaqué aux plus grands, comme Octavio Paz et Carlos Fuentes lui-même. Il va être question de cette censure, mais aussi du modèle politique et du modèle de développement de ce pays de l'Amérique latine dans la suite de cet entretien. Voici le quatrième épisode des Carnets mexicains de Roger Pilaudin. Quatrième entretien avec Carlos Fuentes. Hier, Carlos Fuentes, vous nous avez parlé de votre vie d'écrivain ici à Mexico, du nombre de livres que vous publiez. J'aimerais que nous abordions aujourd'hui le problème de vos relations avec les médias. En ce qui concerne la radio et la télévision, est-ce qu'elles vous sont interdites vraiment ? Tout à fait interdites, tout à fait interdites. Par exemple, on ne pourrait pas lire un de vos livres à la radio ou l'adapter. Non, on ne peut pas, même pas mentionner certains écrivains à la radio ou à la télévision. C'est tout à fait interdit, non? C'est-à-dire, comment voulez-vous, par exemple, que notre plus grand poète, Octavio Paz, soit lu ou commenté à la télévision quand c'est le président de la République, M. Díaz Ordaz, qui vient d'apparaître à la télévision devant une chaîne nationale, devant des millions de spectateurs, pour faire le procès d'Octavio Paz? Pour condamner Octavio Paz. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est un événement. Vous savez très bien qu'Octavio Paz, au moment de la massacre de Tlatelolco, de la place de Trois Cultures, a renoncé à ses fonctions d'ambassadeur du Mexique à la Nouvelle-Delhi. Et ça était un des faits les plus importants à ce moment-là, parce que c'était le seul fonctionnaire du gouvernement mexicain qui a pris une attitude morale et intellectuelle vis-à-vis cette tuerie épouvantable. Alors le président de la République vient de dire par la télévision que M. Paz n'était pas au Mexique à ce moment-là, alors qu'il ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé, et que M. Paz voulait finalement simplement garder son poste, qu'il n'avait pas renoncé, qu'il avait demandé sa mise en disponibilité, et qu'en fait le gouvernement mexicain avait été très généreux avec lui parce qu'il avait donné une licence indéfinie. Ce qui est tout à fait faux, parce qu'il a publiquement renoncé à ses fonctions en disant qu'il ne pouvait plus représenter le gouvernement qui était coupable de la massacre des Places des Trois Cultures. Alors le président de la République a diffamé et attaqué le principal écrivain mexicain publiquement, non? Alors, M. Paz n'a pas la possibilité de se défendre, de répondre. Où est-il en ce moment? Il est à Cambridge. Il donne un cours à l'université de Cambridge. Mais alors, pourquoi le président de la République a-t-il estimé nécessaire de répondre publiquement et si publiquement par la télévision? Pourquoi a-t-il éprouvé ce besoin de mettre l'affaire sur un plan national? Parce que Octavio Paz a donné un exemple moral qui a eu un rayonnement incroyable parmi les jeunes gens au Mexique. Il est devenu un héros de jeunes, grâce à son attitude à ce moment-là. C'est la seule personnalité du gouvernement qui s'est dissociée du gouvernement pour se solidariser avec les victimes, avec les jeunes, avec les étudiants. Alors, ces attitudes sont assez inouïes chez nous. Mais alors, il y a des réactions à ça tout de même, à une attaque pareille. Ah oui, moi et quelques amis, nous venons d'écrire une réponse au président Díaz Ordaz. Qui va être publiée. Qui va être publiée dans la revue Siempre, qui est quand même une lettre respectueuse. Mais en mettant les points sous les i, disant qui est Octavio Paz et qui êtes-vous, monsieur, non ? Est-ce qu'on connaît la position d'Octavio Paz par rapport à cette déclaration du président de la République ? Il était très, très frappé par ce fait-là, non ? Parce que même ça veut dire que ce qu'un écrivain dit compte, ça fait peur au gouvernement un peu, non ? Mmh. Oui, imaginez-vous si Pompidou prend une chaîne de la télévision française pour attaquer Jean-Paul Sartre, non ? Oui. C'est ridicule. Après tout, le journal de Gaulle avait raison quand il disait « On ne met pas Voltaire en prison. On n'attaque pas Voltaire. » Est-ce que même le président de la République du Mexique ne risque pas d'avoir l'effet inverse à celui qu'il espère ? Parce que ça va ouvrir les yeux des gens. Je ne pense pas, parce qu'ils sont tellement isolés. Ce sont des prisonniers de ce vieux palais de vice-rois, de ce vieux palais des empereurs aztèques. Ils vivent très isolés du monde. En fait, c'est une cour. Ils n'ont pas de contact vrai avec différentes couches de la population. Aucune. Qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement ? Par exemple, le fils du président se marie et il reçoit 32 automobiles en cadeau ce soir-là, non ? Le soir de son mariage. Pourquoi 32 ? C'est l'hommage des classes possédant à son roi, non ? Ouais. C'est Louis XIV. C'est Moctezuma. C'est le grand empereur de la selle d'or. Mais alors, vous avez parlé des réactions des intellectuels, d'une réaction élitaire, en somme, qui reste élitaire. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, chez les ouvriers ou dans le sous-prolétariat des grandes villes, dans leur état d'esprit ? Est-ce qu'il y a des mouvements ? Est-ce qu'il y a... Il y avait le mouvement de 68, ça a été coupé par la terreur, comme on a parlé dans les deux émissions. Et les organisations des paysans et des ouvriers sont tout à fait contrôlées par ces leaders corrompus. Alors, comme je vous disais, c'est très difficile pour eux de se mettre en marche. C'est pas 1910, où vous pouvez avoir un soulèvement populaire dans les campagnes, dans les montagnes du Mexique, où les révolutionnaires mexicains pouvaient acheter des armes dans la frontière des États-Unis. Et maintenant, le gouvernement a des forces de riposte formidables. Il a un garde d'élite, les gardes présidentiels, un corps d'élite formidablement armé, de 10 000 hommes seulement, mais qui ont des chars blindés, qui ont des hélicoptères, qui ont tous les armements les plus récents et qui peuvent écraser n'importe quel mouvement. Alors, on ne peut pas pousser les gens à la jacquerie, n'est-ce pas ? Ça, c'est un crime. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que les solutions doivent être trouvées par les Mexicains même, au niveau même de leur travail. C'est-à-dire il s'agit d'un devoir pour le journaliste de devenir un journaliste libre dans son station de radio-télévision, dans son journal. Il s'agit pour les étudiants de créer des universités libres. Il s'agit pour les paysans de reconquérir la possibilité de s'organiser librement, et pour les ouvriers aussi. Mais ça dépend stade de développement économique et social où je pense que le Mexique arrive maintenant, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, le grand problème mexicain, c'est que le revenu national est très mal réparti, qu'on avait dit auparavant, et que l'économie mexicaine est tout à fait saturée dans l'économie des villes. Allez. Il a créé une économie pour la classe moyenne, une économie de consommation. Mais cette économie de consommation n'est qu'un mirage, parce qu'en fait, les forces productives fondamentales ne s'épanouissent pas, non ? On vend, on a plus de réfrigérateurs, on a plus de Volkswagen, on a plus de postes de télévision, on a plus de pâtes dentifric, on a plus de vêtements de la dernière mode, tout ce que vous voulez, non ? Mais en fait, les forces productives de la nation ne sont pas vraiment développées, épanouies dans la mesure où elles devaient pour donner du travail et de l'alimentation à une population toujours croissante. C'est-à-dire qu'en fait, le développement capitaliste du Mexique se limite maintenant à certaines enclaves des villes, à certaines enclaves urbaines. tandis que la grande majorité de la population végète toujours dans les campagnes, dans les champs, sans travailler 9 mois par an, dans des conditions infrahumaines parfois, surtout dans les groupes indiens, d'existence. Alors comment résoudre ce problème? C'est le problème mexicain. Parce que si ce problème ne se résout pas, si les gens ne trouvent pas une solution pour le travail, pour leur vie, ils vont éclater, non? Et au moment où il y aura cette conjonction de l'épuisement du développement capitaliste du Mexique, plus la vague révolutionnaire qui monte du Sud, plus l'exacerbation politique des États-Unis, c'est le moment où peut-être il y aura un changement au Mexique. Je le souhaite, bien sûr. Parce que vous pensez que le développement capitaliste aura une limite, mais pourquoi penser qu'il aura une limite? Parce qu'en fait, il a une limite maintenant. Ce développement n'a pas arrivé à 30 millions de gens qui habitent les campagnes du Mexique et qui continuent à vivre comme dans les temps du dictateur Porfirio Díaz, comme dans les temps de la féodalité rurale mexicaine. La vie n'a pas changé pour eux. La vie est pire pour eux. Si vous voyez les groupes indiens mexicains, non, qui ont été exploités successivement par la colonie espagnole, par les grands domaines, et maintenant par les seigneurs capitalistes de ville, non, ce sont des conditions de vie effrayantes. On ne sait pas comment ces gens peuvent le supporter. Ils sont toujours exploités. Ils sont pires aujourd'hui. Vous avez le cas des Indiens Tarahumaras, qui avant habitaient la côte du Pacifique du Mexique, où ils avaient leurs terres. Les Espagnols sont arrivés, ils ont pris les terres de la côte, qui sont très riches, et les Indiens ont monté vers les montagnes. Ensuite, les mestizos, les ladinos, la classe métisse d'Espagnols et d'Indiens a pris ces terres pendant de la montagne et ils ont été chassés plus loin. Maintenant, ils sont dans les roches. Ils n'ont rien à manger sauf les tunas, qui est un fruit du cactus mexicain qui, si vous le mangez trop, vous donne le péritonite. Et parfois, ils se suicident en mangeant ces fruits-là, ces tunas. Ils sont nombreux encore? Oh non, c'est un poignet. C'est un poignet. Ce sont des gens qui disparaissent, et avec eux disparaît une culture merveilleuse, qui est toujours une alternative culturelle à l'horrible culture en plastique de la bourgeoisie mexicaine, n'est-ce pas? Le Mexique a quand même... Le Mexique, on a dit beaucoup de mal. Il faudrait dire certaines choses de bien, non? Et une des choses formidables au Mexique, c'est qu'il y a une alternative culturelle. Parce que je pense qu'aussi le problème qui se pose est le suivant. Depuis l'indépendance, quand on a brisé avec l'Espagne, on a cherché, on a souhaité d'arriver au stade de développement de l'Europe et des États-Unis. Ouais. N'est-ce pas? C'était le grand mirage. Il faut être comme eux. Il faut finalement arriver au banquet de la civilisation. Mais le fait est que quand on arrive là, quand certaines couches de la population mexicaine arrivent à ce stade-là, on voit que ça ne vaut pas la peine. Et que cette culture de l'industrialisation est partout en crise. Pourquoi ça ne vaut pas la peine? Parce qu'on voit que c'est une vide totale. C'est une culture c'est de faux besoins. C'est plaqué. Oui, absolument. Les vraies nécessités humaines disparaissent, les vrais buts humains disparaissent, et ils sont substitués par des besoins fabriqués, dictés par les nécessités d'expansion d'une certaine industrie. En même temps, on voit que partout dans le monde, les jeunes gens, les jeunes générations refusent cette culture de l'industrialisation, cette étape finale de l'industrialisation et de la technologie. Alors pourquoi on va imiter ça? Je pense que le vrai problème qui se pose partout en Amérique latine, c'est de proposer un vrai modèle de développement. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici au Mexique, ce qu'on a partout en Amérique latine, c'est le développement du sous-développement, n'est-ce pas? Parce que le développement mutilé, le développement copié des États-Unis et de l'Europe... Et on a besoin d'inventer un modèle de développement propre, original. Je pense que les Cubains sont en train de le faire. Je souhaite que les Chiliens, les Péruviens le trouvent aussi. Et au Mexique, qui est un pays qui a cette grande richesse de culture ancienne, de culture tribale, de culture communautaire, de culture de l'imagination, de la création, du rêve, il y a quand même une possibilité de créer quelque chose de nouveau. Mais ça demandera un effort extraordinaire et de l'intelligentsia, surtout de l'intelligentsia mexicaine et du peuple même, n'est-ce pas? Oui. la cara, guarda la cara. Guarda la cara, guarda la cara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprano. A verde jara fresca del río, son tus palomas un caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Les émissions de Roger Pilaudin sont les 3e et 4e épisodes d'une série de 12, première diffusion sur France Culture les 7 et 8 juillet 1971. Elles sont à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Yo siento, no parece amor. Que tengo el defecto de ser muy así. Por qué indiferente cruzo ante el dolor. Yo no engaño a nadie porque soy sincero. No me importa cómo quiero y cuánto quiero, porque a mi manera doy el corazón, corazón, corazón. Doy el corazón.